1-2-1-2 check. C'est ma tome, frérot. Ya. C'est ma tome. C'est la new school. Ah. Ok. Ok. MC Baptech, MC Belette, Oudstar Prod.